Lorsque ma tête est perturbée, je garde les pieds sur terre comme un athlète amputé. Je mise tout sur mon pied de guerre. Je m'accroche à mes racines quand mon cœur s'attriste. Mes proches et ma famille, le passeport de ma réussite. Conscient à ce jour qu'un homme ne se forge pas seul. Soucieux depuis toujours, regarde un corps dans un linceul. Respectueux le plus possible, je le suis malgré les crasses. Dépendant de la nicotine, de la tise et des grosses bâches. Je suis un accro de la vie, je crame mon passé dans le futur. Le présent, je le consomme au fil des mesures. Mes cicatrices se referment au fil du temps, même laisse des marques. Mes fractures sont cicatrisées, merci à la science et au plat. Des fois la prétention d'être le bon exemple à suivre. On a tous des visions différentes afin de bien se construire. On ne bâtit pas d'empire par acte de bravoure solitaire. Donc à défaut de faire le solide, j'écris la plume solidaire. Le regard des autres, franchement je m'en contrefiche. J'avance tel un félin, j'suis pas une proie qui prend la fuite. Le bonheur des nôtres, assurément une réussite. J'éclaircirai mes pas afin que mon parcours leur soit bénéfique. Le regard des autres, franchement je m'en contrefiche. J'avance tel un félin, j'suis pas une proie qui prend la fuite. Le bonheur des nôtres, assurément une réussite. J'éclaircirai mes pas afin que mon parcours leur soit bénéfique. Moi je côtoie les gens, plus ma douleur se canalise. Les antis sont méchants car le bonheur se noie dans la crise. On vit tous d'amour et d'eau fraîche, avec ou sans le succès. Un parcours bourré de paresse, mépris d'autrui par intérêt. J'étais comme toi, j'étais jeune, je pensais tout rafler. Qu'on s'attache à moi comme un corps et son reflet. Je faisais que mentir pour que l'on me prête de l'attention. J'accentue la réalité au point de me perdre dans mes illusions. J'ai vite compris que l'homme puisse sa force que dans ce qu'il est. Que le vécu ne s'invente pas, même dans le fond d'un gobelet. Que les erreurs il faut les vivre, car elles t'enseignent qu'il faut soigner son prochain. Bien avant qu'il saigne, que mes défauts soient appréciés autant que mes qualités. Et ce que l'on retiendra de moi, c'est ma sincérité. Mes convictions je vous les dois, à vous tous autant que vous êtes. C'est grâce à vous, si j'ai trouvé cette façon d'être. Le regard des autres, franchement je m'en contrefiche. J'avance tel un félin, j'suis pas une proie qui prend la fuite. Le bonheur des nôtres, assurément une réussite. J'éclaircirai mes pas afin que mon parcours leur soit bénéfique. Le regard des autres, franchement je m'en contrefiche. J'avance tel un félin, j'suis pas une proie qui prend la fuite. Le bonheur des nôtres, assurément une réussite. J'éclaircirai mes pas afin que mon parcours leur soit bénéfique.